C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais, moi je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie se sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.